j'étais de jeune. Au rien du haut du feu de Dieu, tu m'as libéré des projecteurs, je le mettrais en tant que chanteur. Je serai alors tranquille au batteur, sans parler à des gens qui me font peur. Ah, si j'étais plusieurs, pour dire je serais moins d'or. Jeune, rare, réplant dans mon cœur. Je donnerai la moitié de mon labeur, je viens plus régulièrement. Ah, si j'étais deux, je serais plus amusant. Ça abuse, mais juste un subterfuge. Technologie, mon ami, ma muse, jalouse de ma boucleuse. Ah, si j'étais deux, je la rendrais plus heureuse. Ah, si à moi tout seul, j'étais une bande jeune, je ferais de mes chansons la version Big Band. Je ne tiendrais pas en place. Je ferais qu'en variante et petit souhait en mesure chiante. Mais je suis tout seul et dans l'attente. Jeunesse de Paris, pour moi castrat, je suis cassé. Les notions de musique normale. Ah, si j'étais sans, je ferais toutes les voix. Ah, si j'étais plus, combien d'inédits. Combien de choristes et de petits bruits. Ah, si j'étais plus, combien d'inédits. Combien de choristes et de petits bruits. Ah, si j'étais mille, ce serait le chaos dans la ville. Trop pas tour aux alentours. Ah, si illuminé à chaque quartier de. Tâcherai d'égayer riches comme affamés, en leur faisant le poivre rire de leur journée. Ah, si à mille je déboule, j'aurais pour sur l'air plus cool. Ah, si j'étais plus. Ah, si j'étais plus. Ah, si j'étais plus. Ah, si j'étais des millions. Ah, ça alors quelle question. Ah, si j'étais autant, je ferais mon bastion. Gouverneur et roi des cons. Je donnerai mon opinion comme tout bon. Je ferai la révolution. Na-na-na-na, je ferai la révolution. Je ferai la révolution. No, je ferai la révolution. No, no, no, no, no, no.